Ce soir, à minuit et une minute, l'espace Schengen va s'élargir vers l'Est. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, en tout, 9 pays vont en faire partie. En jaune, l'espace Schengen, 400 millions d'Européens pourront passer d'un pays à l'autre sans contrôle. On va pouvoir voyager où on veut et personne ne va nous embêter. Maintenant, plus de visa, plus d'attente interminable pour passer la frontière. Mais en contrepartie de cette liberté, c'était la condition pour entrer dans l'espace Schengen, la nouvelle frontière à l'Est se veut infranchissable. Des milliers de kilomètres de barbelés ont été installés depuis plusieurs mois, surveillés par des vidéos disposées tous les 200 mètres, de jour comme de nuit. Des caméras thermiques. Ce garde-frontière vient de repérer des clandestins. L'alerte est donnée. C'est la chasse à l'homme qui commence. Grand-mère mange nos bonbons. Il est temps de cueillir des tomates. Nous répétons. Il est temps de cueillir des tomates. Bonsoir, salam alaikum, joyeux Noël, bonne fête de l'Aïd. C'est le journal sans papier qui reprend du service. Les frontières s'ouvrent, les frontières se ferment, les frontières se déplacent. Et la longue marche des migrants européens, elle aussi, continue son chemin. Samedi dernier, le 15 décembre 2007, un collectif de 60 personnes sans papier, soutenu par l'UDEP, a décidé d'occuper non pas une église, mais un bâtiment public, vide, au 91 rue Royale. Tout à côté du squat du 123 rue Royale, qui fait lui-même suite à l'occupation de l'église de la rue de la Comète. Nouvelle occupation, nouvel espoir, nouveau lieu de vie, que cette émission aura pour but de vous inviter à rejoindre et à soutenir. C'est au 91 rue Royale, en face de la colonne du congrès aux soldats inconnus, derrière l'abri de l'arrêt du tram 92. Vous levez la tête, une banderole, la porte est ouverte, et vous serez, soyez-en sûrs, les bienvenus. Aujourd'hui donc en direct du 91 rue Royale, les sans-papiers parlent aux sans-papiers et aux autres. Sí, de la ocupación, de los papeles, de la lucha, la regularización, que llama a la gente a venir, a lo que quieras. Cuenta cómo es aquí. Ouais, donc ça c'est Patrick et Benoît. De Radio Panique, une radio à Saint-Josse. Et donc, l'idée, c'est que chaque semaine, on fait une émission de l'occupation, ici. Peut-être, je sais pas, maintenant, comme c'est le début de l'occupation, on présente, on explique aux gens. Les gens, ils savent pas ce qui se passe ici, on explique voilà, un peu ce qui se passe. Peut-être on les appelle à nous soutenir, on raconte pourquoi on est là, le combat qu'on fait, comment ça se passe ici. S'ils veulent nous rejoindre, essayer qu'il y ait dans toutes les langues, tu vois, qu'on puisse parler en arabe, en berbère, en français et en espagnol. Comme ça, les gens des quartiers ici, ils entendent. Justement, dans le sens où j'ai discuté avec toi tout à l'heure, Géraldo, puisqu'on parle du soutien. Dans le sens tout à l'heure j'ai parlé avec toi Géraldo, j'étais soulevé en fait une petite problématique qui m'inquiète beaucoup, chose qui me laisse peut-être dans la mauvaise confiance ou la crainte à quel sein me donner quoi, parce que je suis un sans-papier, ça fait longtemps que ma situation est similaire à tant d'autres aussi, ça fait longtemps que je suis en Belgique, et à chaque fois qu'il y a des organisations qui s'organisent tout autour de la régularisation des sans-papiers, on a vu s'emmener plusieurs fois des régularisations d'ailleurs que dernièrement qu'on a considéré arbitraire. Mais en tant que sans-papiers, je n'arrive pas à comprendre pourquoi certains groupes de sans-papiers organisés, hein, je dis bien organisés, comme nous ici UDEP, arrivent à des régularisations, arrivent à régulariser leur groupe et pas en fait nous. Alors j'ai demandé tout à l'heure, j'ai discuté avec mes camarades de l'UDEP, j'ai dit pourquoi ne pas provoquer ici au 91 une conférence débat, inviter tous les acteurs qui ont participé quand je dis bien tous les acteurs, c'est-à-dire que sans-papiers et autres, qui ont participé de près ou de loin à ces régularisations, à ces gains de cause limités, quoi. Alors, je me pose des questions sincèrement. Pourquoi un tel débat ne peut-il pas avoir lieu pour un peu que les sans-papiers prennent un peu conscience de ce qui se passe sur ce point-là. Merci. En tout cas, moi, je suis aussi un sans-papier. Je félicite le DEP pour les actions qu'ils ont faites et pour la régularisation. Alors, on était parmi les premiers toujours à Saint-Boniface. Mais on n'a pas la chance des fois de rester là-bas. Alors, on était radié de la liste. Mais maintenant, on est ici à 91, 90 la rue Royale. Alors, on demande à tous les gens, toutes les organisations et tous les Belges de nous soutenir pour obtenir la régularisation, puisque vraiment, les gens, ils ont dans la souffrance totale. Merci. En fait, c'est un rajout. Hamout Erzgil vient de s'exprimer, mais j'aimerais bien s'exprimer en fait un peu en français, en arabe et en berbère. Comme ça, toute la communauté devrait comprendre c'est quoi le but en fait de cette occupation. Donc, moi, je pense on doit profiter de cette opportunité du moment qu'il y a un local. Et moi, de ma part, on est tous dans la même situation. On est dans une situation précaire. Donc, mon message à moi s'adresse à tous ceux qui sont dans la précarité, soit qu'ils viennent de l'Amérique latine, ou qu'ils viennent du Maghreb, ou du Congo, de l'Afrique centrale ou de l'Ouest. Et j'appelle aussi à toutes les femmes. Ceux qui ont des enfants, ils peuvent nous rejoindre dans ce local. Et qu'on puisse continuer le combat ensemble, parce que si on n'arrive pas à se regrouper, former une masse, un bloc, on va rester toujours divisé. Et j'appelle aussi à nos camarades Oscar et autres, ceux qui militent toujours dans le cadre justement pour les sans-papiers, qui nous rejoignent, qu'on fasse quelque chose de concret, parce que si on va pas être unis, si on n'a pas une seule idéologie, alors on va être de nouveau dispersés. Alors c'est pour cela où madabiyan nwajh ga nas li ma ndhomch kwart, soit ikounou mgharba ou la jaw l'Amérique latine ou la jaw l'Afrique ou la jaw soit mgharba ou la jazairine ou la twansa ou la ay chi nas li ma ndhomch kwart, hatta nsa li ma ndhomch kwart ولا اللي عندهم دراري ماذا بهم يجيو لوكال هذا. حنا راني نديرو واحد لاغريف وماذا بينا نبروفيتيو، لازم نتفاهموا مع بعض، لازم نتحدوا باش ان شاء الله نديرو اتحاد بيناتنا، وان شاء الله نديرو حاجه. وثاني ماذا بينا نهضر بالقبيليه بالامازيغيه. Maintenant, je vais m'exprimer en berbère. Voilà, Azul Flaoun. Nous connaissons Sagin Jmadagi, des locales de la rue Royale, au numéro 91. Alors, Mazabekoum Adrahmi Akwardagi, un Jmadagi, parce qu'il y a une réunion d'Équadoriens, des Africains, la communauté maghrébine, pour un seul but, المهم تتاج النداء شني جن الشباب ذا نتيري ذا بلجيك وغاخبور شواغض نتفذاج تدا ذي المهم ذي لادريس غير غوايال نمرة 91 زاتي مترو بوطانيك. المهم ذا بعض الشباب غارخو حوالي 60 ذنخ نتتاج النداء مارو غاجابور شواغض غاخين ضام المهم اخي جدد داج الباطي وما طفيت دات مغاش انا اربع ايطاجات المهم شي نموندان تت مارا نسمع را المهم تتمار وانا غتجبر شواغض اخي التحق ذانيتين والسلام عليكم. الو اي نوفين اي توكوزيو اي لابي اي ميانتو مينيا فوكي ديمي يمكن تيمي فا اي بيادي في يدوا اي لابينا اي خمام لي مياسيو دونك ميانتو مينيا يمكن تيمي جولي Nabi e jumeva fia egami egami nibe nya nya de le nyua nkan dibe mi la jole nya gbo la baraka e juyamo ça fait 8000 km ye mi atomi nya e mi ke jole mi nya de jumia donc a mi sugbo mi atogo vio mi sugbo le juyamo ke ye o mam le mi asio et bientôt il y a but et but kenti il va là donc à dire ma de coucou na ndé miano mia mia jagba mia bo ni ni mia lutter contre et moi et au moins bien ni nya ke ho ma mia de nos vies assimilées ni mia te lutter contre ni et au moins bien et comme mi le fi fi e o vidi donc mi atom mi nyan kinti mi va droit donc mi a jagbani mi a me odo ma vo a lo a me compo do a mi a titi kumi ni mi a novi ni mi a te lute o ma binya parce le vivere mi bi e no la jole di o kin gwe o la va siti a lo a bi Sophie va qualifier donc c'est le et Capoeira donc il y a été gominé il a soutenu miné il a été lutté contre Romadinha donc adresse à Ligny métro botanique donc numéro 91 donc il va il a promis les filles donc un ami qui on dit si t'es pire donc à rue Royale et Potali, numéro 91. Donc, les deux coucou n'ont pas été mis à Djagbani, mis à Cité, et les VVD. Donc, elle est normale. Donc, les deux coucou n'ont pas été mis à Djagbani. Vous écoutez Radio Panique, le journal sans papier, enregistré par les occupants du 91 rue Royale. Hola à toute la communauté latino-américaine. Más que todo, ya pues. Soy ecuatoriano y me gustaría invitar a esta reunión de Sin Papeles. Estamos reunidos aquí en Botanique, Ruedo Royal número 8991. Y pues, más que todo, ya pues aprovechemos la oportunidad que ya pues que podemos... pues obtener los documentos, ¿no? Pues más que todo, como dice, la unión hace pues la lucha. Ya pues espero que toda la comunidad de América Latina ya pues aunque sea que den un paso a esta dirección, ¿no? Y pues luchemos luchemos, ¿no? Por nuestra necesidad, por nuestro futuro y pues para poder conseguir algo que nos es necesario, ¿no? Para nuestro futuro. Y pues sigamos adelante y pues espero que nos visite. Ya pues, chao. Voilà, como l'a dit mon ami ecuatorien ici, c'est un appel qu'on lance à toutes les personnes sans papiers, à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui connaissent aussi des sans-papiers, à leur dire de venir rejoindre cette occupation, à venir rejoindre ce groupe qui est maintenant solidaire, qui est uni, qui est déterminé dans cette action, qui est déterminé pour avoir les papiers, qui est déterminé pour défendre ses droits, qui est déterminé pour se battre ensemble. On habite ici au numéro 89 91 rue Royale. Voilà, c'est près du métro Botanique. Donc c'est vraiment un appel à tous les sans-papiers, venez, passez nous voir, venez occuper, rejoignez le combat ici des sans-papiers. Tout le monde est bienvenu ici, quelle que soit sa religion, son pays, tout le monde est bienvenu. C'est aussi un appel à tous les soutiens, à tous les gens qui voudraient nous connaître, nous visiter, peut-être connaître les immigrés sans papier. Voilà, c'est des immigrés comme les autres, c'est juste qu'ils n'ont pas de papier, qui vivent une réalité beaucoup plus dure. Donc venez, n'ayez pas peur, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à organiser ici. C'est ouvert aussi à toutes les initiatives que vous pourriez prendre. Par exemple, ici, on a Radio Panique qui vient faire une émission radio. On est réunis dans la grande salle qu'on a. Il y a les occupants sont là. On s'est mis autour d'une table et on a fait l'émission. Chacun a parlé dans sa langue, à sa communauté. Et voilà, donc il y a 1000 projets aussi comme ça qui peuvent se mettre en place. Je crois que une des forces qu'on aura ici, c'est aussi la vôtre, quoi. C'est aussi celle des gens qui ont des papiers, les Belges comme les immigrés. Et même une visite, c'est quelque chose de très fort. Donc on est rue Royale, vous prenez le tram, le métro, c'est central, c'est pas loin. Et voilà, on a vraiment besoin de tout le monde ici, et peut-être rappeler que c'est une occupation de l'UDEP, donc qui a un mouvement qui est organisé par les sans-papiers eux-mêmes, où il y a aussi des Belges, où il y a aussi des gens qui ont des papiers, et que c'est un mouvement qui se bat pour la régularisation de tous les sans-papiers. C'est un mouvement qui est organisé, c'est un mouvement qui est sérieux, c'est un mouvement qui est solide, c'est un mouvement qui a déjà entrepris beaucoup d'actions, c'est un mouvement qui fait bouger les choses ici en Belgique. On est dans un moment politique où bientôt on aura peut-être un gouvernement définitif en mars, et où les personnes sans papiers savent qu'elles n'auront plus rien à attendre d'un gouvernement qui se serait établi sans avoir mis dans son programme la question des sans-papiers, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on est dans un moment stratégique très fort, c'est un moment crucial, et c'est aussi pour ça que les gens ici sont tellement déterminés. Donc c'est maintenant, quoi, qu'il faut bouger, quoi. Donc tous les soutiens, tous les voisins, tous les assos, réveillez-vous, quoi, nom de Dieu, et rejoignez-nous, quoi. Ou faites ce que vous voulez, mais bougez, quoi. Il y a un ras-le-bol généralisé par rapport à l'arbitraire que subissent les sans-papiers ici en Belgique. Et l'historique des sans-papiers est là pour nous le montrer. L'arbitraire du ministre de l'Intérieur qui se permet de régulariser les gens qui ont fait la grève de la faim et qui rejettent la demande d'autres milliers sans-papiers. L'accord orange-bleu, heureusement qu'il est tombé à l'eau, et même si vraiment il exclut une grosse majorité de sans-papiers, on a décidé d'entamer cette action d'occupation du bâtiment public, et nous n'allons pas sortir sans vraiment aboutissement à notre revendication principale, qui est la régularisation. السلام عليكم. المهم نطلبوا من الاخوه اللي ما عندهمش اوراق يجوا يساندونا، ولازم نوقفوا على الحقوق تاعنا، ولا ما درناش هكذا ما كان والو، ما كاش اللي يجي ليك يقول لك هاك الاوراق، لازم تجيو تساندونا ونطلبوا بالحقوق تاعنا. وصح، السلام عليكم. وفيت جو فودغير لانسي جوستمون لابيل ا تو لي سون بابيي، en fait, à renforcer vivement justement notre combat, parce que d'après les informations qu'on a récoltées ce soir, Guy Verhofstadt, le nouveau formateur du nouveau gouvernement intérimaire, il a fait sa déclaration de la politique générale, et rien n'a été prévu justement pour la problématique des sans-papiers. Alors encore une autre fois, j'encourage tout le monde, et peut-être c'est le moment crucial et le moment peut-être impératif à venir en force pour aboutir à quelque chose. Merci. Est-ce que vous savez, je sais que vous êtes principalement pour l'instant préoccupé par l'obtention des papiers, mais est-ce que vous savez qu'il y a en ce moment une législation qui est sur le point d'être votée au niveau européen qui concerne les migrants en général? Vous avez entendu parler de ça? Oui, tout à fait, on a entendu parler de ça, mais pour nous, franchement, c'est une décision. Ça n'a pas vraiment d'effet d'impact pour nous, parce qu'en fait c'est une politique effectivement décidée par la communauté européenne. C'est ça d'ailleurs la politique de ce gouvernement de toute façon qui va adopter, et pour nous en fait notre regard à ces critères et ces lois, on ne sera pas bénéficié du moment que c'est une politique qui est basée uniquement sur l'emploi. Et pratiquement, il n'y a que les pays de l'Est, en fait, les habitants de l'Europe de l'Est, les nouveaux qui vont rentrer dans l'État européen, qui vont bénéficier de ces critères, de cette générosité, si vous voulez. Mais du moment qu'ils seront basés sur l'emploi, les emplois effectifs et de professionnalisme, franchement, je vois pas comment nous on va s'en sortir. De toute façon, c'est des mesures pour nous, elles sont tout à fait émulantes pour nous, si j'ose le dire, parce que en fait, si on se base uniquement sur le cadre de l'emploi, alors qu'il y a vraiment des étrangers qui ont besoin aussi d'être soutenus dans le cadre humanitaire. On ne cherche pas uniquement des ingénieurs. Il faut un peu de tout pour faire une société, pour faire un monde. On a besoin d'un maçon, on a besoin même, on a besoin de tout pour faire de tout. On a besoin des journalistes, on a besoin tout à fait de tout le monde. Donc nous constatons que ces mesures, elles sont loin d'être vraiment, on ne sera pas bénéfique, elle sera pas de toute façon bénéfique pour nous. Donc voilà, elle vise uniquement les ressortissants des pays européens. Voilà, pour nous, donc il n'y a pas une régularisation. Pour nous, ce n'est pas une régularisation. Il n'y a pas de toute façon de critères clairs pour nous. Tu faisais allusion à un des volets de la politique de l'Union européenne, qui est effectivement l'instauration d'une carte bleue qui va être l'équivalent de la carte verte américaine et qui vise aussi à piller les cerveaux des pays d'où vient une forte immigration aussi pour cause de la situation qu'il y a dans ces pays. Ça va certainement pas améliorer la situation de ces pays de perdre une partie de ses élites, donc ça risque de renforcer encore plus les flux migratoires. Ça c'est un, mais il y a aussi un volet répressif qui est en discussion et en votation. Donc il va uniformiser la politique de répression contre l'immigration clandestine au niveau européen, qui était relativement national jusqu'ici, et donc qui prévoit trois mesures phares. Donc les clandestins qui auront été expulsés seront interdits de tout le territoire européen pendant 5 ans. Les refus d'embarquement lors des expulsions se traduiront par 5 années de prison ferme, et surtout les délais de rétention administrative, donc d'enfermement dans les centres fermés, vont passer à 32 mois, je crois. 18. À 18 mois, alors qu'il y a des pays comme la France où c'est 32 jours. Donc voilà. Et à propos de ça, j'ai une petite anecdote qui mérite d'être soulevée. Il y a la ville de Bruxelles a fait la région bruxelloise a fait un plan de développement international de Bruxelles qui a été rédigé par quelques technocrates de cabinet de consultants et qui veut renforcer l'image de Bruxelles comme capitale de l'Europe. Et alors, parmi d'autres choses assez cyniques qu'on trouve dans ce plan, ils expliquent qu'il manque à Bruxelles un lieu symbolique de l'Europe. Et ils citent l'exemple des États-Unis qui a un lieu symbolique qui est Ellis Island. Donc ils expliquent pour les gens qui ne savent pas que c'est l'endroit où arrivaient les immigrés en provenance du monde entier qui ont fait la population américaine. Bon, ce qu'ils disent pas, c'est que c'était aussi un centre de tri, où on sélectionnait quand même les gens qui pouvaient rentrer. Mais enfin, et ils disaient, voilà, c'est un lieu initiatique de ce type-là dont nous manquons à Bruxelles. Et, on se demande dans quel monde on vit, parce que les gens qui ont écrit ça ne peuvent pas ne pas savoir que ça manque pas de lieux initiatiques pour les immigrés en Europe qui s'appellent des centres fermés. Et que franchement, prendre l'exemple d'Ellis Island, qui était un espoir pour tous les déshérités du monde, comme quelque chose dont on pourrait avoir l'équivalent en Europe à une époque où on a l'impression que le plus grand ennemi à combattre, c'est l'étranger et c'est l'immigré, c'est vraiment d'un cynisme absolument invraisemblable. Et je pense que voilà, un lieu comme ici, le 91, est plus un lieu initiatique qui a un rapport avec l'Europe qu'on voudrait, mais qui n'existe pas, que les centres fermés et les projets des technocrates qui vont célébrer des droits de l'homme qui sont bafoués chaque jour. Donc on pourrait faire du 91 un lieu symbolique de l'image du Bruxelles que l'on veut et pas du Bruxelles qu'on nous impose, peut-être. On pourrait proposer ça. En fait, pour moi aussi, c'est une réponse. C'est une réponse, je dirais, à la formation de l'Orange Bleu. Le fait qu'il a adopté quand même la seule mesure, d'ailleurs, ça tous les sans-papiers l'ont constaté. C'est-à-dire, tout ce parcours politique entre le Sud et le Nord, qui ont tenté vraiment de former un gouvernement durant 6 mois. Mais ce qu'on a constaté, en fait, ils ont échoué sur tous les points. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à mettre un gouvernement officiel, mais quand même, il s'est avéré qu'ils s'entendent sur un point, sur la question de l'immigration, sur la question des sans-papiers. Ils ont décidé quand même, ils ont décidé de leur sort. Ils sont mis d'accord pour la première fois qu'ils vont aboutir à un projet dans le cadre de la régularisation, en fait. De la régularisation, c'est-à-dire des sans-papiers. Alors ils ont inventé un terme, cette fameuse carte bleue, c'est pour régulariser des gens qui sont qualifiés, qui ont la qualification dans le bâtiment ou bien dans d'autres domaines. Alors ce qu'on a constaté, entre les Flamands et les Wallons, ils ne s'entendent pas mieux sur la question de l'immigration. Ils s'entendent parfaitement, c'est le seul point d'ailleurs, qu'ils sont mis d'accord pour la première fois. Il n'y a pas vraiment des décisions ni convergentes ni divergentes. Il n'y a qu'un seul point qu'ils sont mis d'accord entre le Nord et le Sud sur la question de l'immigration. D'être vraiment, ils s'entendent parfaitement pour ne pas être d'accord sur nous. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Une petite précision sur cette affaire de carte bleue, parce qu'aujourd'hui, il y a le GISTI, qui est donc une association de défense des droits des migrants en France, qui a lancé une alerte sur ces listes, parce que suite à cette histoire de carte bleue, la rumeur se répand en France qu'il va y avoir des régularisations sur cette base, et sur la base des qualifications. Et donc elle se répand tant chez les employeurs potentiels que chez les régularisables potentiels. Et en fait, c'est totalement faux, parce que c'est une politique d'immigration par quota dans des professions, et ça concerne des gens qui sont à l'étranger pour le moment, pas les gens qui sont sur le territoire. Donc ils ont lancé cette alerte-là pour que les gens n'aillent pas se signaler aux autorités dans l'espoir d'être régularisés sur cette base. Et là, il faut faire passer ce message-là aussi. Ouais, je voulais dire que le volet carte bleue dans l'accord de l'Orange Bleu, justement, donc qui dit bien l'origine de cette carte bleue, va concerner donc pas du tout les sans-papiers qui se trouvent en Belgique, de un. Alors, mais quand on parle de régularisation par le travail, ça concerne les gens qui se trouvent déjà en Belgique. Et donc l'accord de l'Orange Bleu disait que on donnerait des papiers aux gens qui se présenteraient à l'Office des étrangers avec un contrat de travail, quoi, ou une promesse très forte d'embauche. Donc c'est quelque chose qu'à l'UDEP on ne cautionne pas, évidemment, parce qu'on est pour la régularisation de tous les sans-papiers, pas que de ceux qui ont un contrat de travail. Mais je crois que c'est quand même quelque chose auquel il faut être très attentif, parce que c'est la mode partout en Europe. Et donc c'est pas non plus un débat qu'il faut ignorer ou mettre de côté, quoi. Et donc le danger, c'est que si on commence à rentrer dans ce débat, et à, par exemple, à faire des propositions sur cette régularisation par le travail, c'est une forme de soutenir quand même cette mesure, quoi. Donc ça, c'est un peu, c'est pour ça que je crois que ici on parle de régularisation pour tous les sans-papiers, et que c'est pas qu'un argument, c'est pas qu'une revendication radicale, quoi. C'est quelque chose qui a tout son sens, et qui veut dire qu'on fait pas de différence entre les êtres humains, déjà entre les Belges et les immigrés, et surtout entre nous, entre sans-papiers nous-mêmes. On veut pas faire de différence, quoi, hein, entre ceux qui auraient un contrat de travail ou pas, entre ceux qui seraient clandestins ou en longue procédure, entre demandeurs d'asile et juste simples demandeurs de séjour, entre ceux qui ont 5 ans sur le territoire et ceux qui ont que 2 ans sur le territoire. Tout ça, on s'en fout, quoi. Je voudrais rappeler, comme c'est la première émission 91 rue Royale sans papier sur Panique, que voilà, c'est une émission qui se veut participative, qui veut que tous les occupants puissent se saisir de cet outil. Donc c'est aussi un appel aux occupants, quand ils écouteront cette émission, à dire voilà, c'est aussi ton émission, c'est l'émission de tout le monde, tous ceux qui veulent parler il faut pas que parler de politique, on peut parler de ce qu'on vit tous les jours, de ce qu'on a envie de dire. La radio, ça sert à ça. C'est comme quand on écoute la musique, quoi. On fait passer aussi des sentiments, des idées, tout ça, quoi. Tout ce qu'on vit, ça peut passer dans la chénifi, quoi. Et alors, voilà, donc c'est une invitation aux occupants à faire vivre cette émission et à participer à l'émission. Et voilà, et ce qui est chouette, c'est qu'on peut parler dans la langue qu'on veut, je crois. Et que donc plus de gens peuvent participer et plus de gens peuvent écouter aussi, quoi. Voilà, je voulais dire ça. Je voulais rappeler que donc l'occupation ouverte, il y a des assemblées générales, ça c'est important de dire, je crois, qui sont ouvertes à tout le monde, et que toutes les décisions se prennent à l'assemblée générale. Donc il n'y a pas un groupe qui dirige les choses, ou il n'y a pas des chefs, il y a des porte-parole, pas des représentants, des porte-parole. Qui font ce que l'Assemblée générale leur dit de faire, quoi, clairement, quoi. Donc je crois que c'est important, voilà, que c'est aussi un mouvement qui se veut ouvert, qui se veut démocratique, qui se veut transparent, et qui veut que tout le monde participe, et dans cette occupation, que tous les occupants prennent cette occupation en main, prennent des initiatives, et que tout le monde deviennent responsables, quoi, de cette occupation, de ce qui se passe, et que notre force, elle est là, quoi. Voilà, je voulais dire ça. Je voudrais bien rebondir. Tout à l'heure, vous avez parlé, en fait, de centres fermés en Europe et les nouvelles directives destinées spécialement pour l'immigration en général, dans le souffle de l'immigration choisie, proposé spécialement par la France. Alors, disons, au lieu d'une Europe forteresse, pourquoi pas une Europe à l'image de telles occupations, quoi, où la multiculturalité peut très bien s'exprimer et où l'État vraiment peut caresser avec toutes les cultures et les richesses d'autres mondes, au lieu d'une forteresse qui nous stigmatise et qui nous marginalise et qui provoque plus d'insécurité qu'on a eu l'habitude de voir malheureusement comme le thème politique qui domine actuellement justement en Europe. Donc je voudrais juste lancer ce message. Au lieu d'une Europe forteresse, pourquoi pas une Europe de multiculturalité? Merci. Bon, en bref, الاخوان والخواتات اللي ما عندهمش الاوراق اللي كيعيشوا بزاف ولا كيعيشوا عند حبابهم ولا متقين على خوتهم كذا كذا الى اخره. بون حاليا راه لو ديب حلات في غي رويال نمره 91، واحد الباتيمون واسع بزاف بالنسبه للشباب العزاب، عندهم واحد ليو بوحديتهم، والنساء عندهم واحد الطاج ديالهم بوحيتهم. فهذاك هذيك اللي بغيت نقولها، هذا الا كاين شي عائلات وعندهم الاولاد ولا كما قال الاخ قبل، او نساء فرديات يتفضلوا، وراه غادي نساعدوا بعضياتنا، غادي نكونوا كثار وغادي تبان الحاله ديالنا الداخل الخارج، ملي يكونوا الصحافه ثاني يبانوا نعبروا على الحاله ديالنا. وهذا نتمنوا التوفيق ان شاء الله، تبارك الله عليكم. مهم أيثما، السلام عليكم، عيدكم مبارك. شين نتشو مجني دا نشينج الجمعية الدافع داخي وذن وغاجبور شواضي ديب نطفيج المقر ذي غي غويال نمر 91 زاتي مترو بوطانيك. مهم مرة وني وغاجبور شواضي قال ميل فوقيشة شين غاخذ المحامين الدافع مرة الجنوس ذي مغربيين نخدي تزايريين نخل. المهم جميع يوذنو غا تجابور شواغض، وانت تا المهم الشينا غا خذ الطبقة غا خي وذن الزوفريين غا سنطبق وحداس غا خي ثيرتي مغارين غا خمشان تمغارين امشان يحنجان امشان نيار يزن غا خذ النظام غا خذ السيكيريتي. المهم تتا مرة النذاء، وانت تا بالأخ سعود النذاء أخا غا سنشواغض أخ عاونن أخ عاون أي حاجة. والمهم السلام عليكم. مش نمر ومش المانيجا غير غوايا نمر 91 زاتي بوطانيك مترو بوطانيك، والسلام عليكم، عيدكم مبارك. Bon ben je sais pas, on a parlé de des politiques européennes. On voit bien qu'il y a une volonté de trier les étrangers qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, d'utiliser les de prendre les gens pour s'en servir d'une part, et de rejeter les autres et de durcir les conditions dans lesquelles on rejette les autres. Et moi je voulais simplement vous demander, est-ce qu'on peut peut-être parler de la difficulté du travail? On sait que le marché du travail il est sectorisé, quoi. Il y a des boulots qui sont pratiquement réservés aux clandestins, parce que c'est des boulots qui sont très peu payés et où souvent l'exploitation est maximum, très précaire. Je ne sais pas, peut-être que vous avez quelque chose à dire à propos de ça. Oui, tout à fait. En fait, vous le savez, dans chaque société où il y a vraiment un système de capitalisme qui a une économie forte, on doit quand même trouver d'autres ressources. Et les ressources aujourd'hui du 21e siècle, on connaît avant, au temps du Moyen-Âge, ce n'est pas le même système, ce n'est pas le même mode de vie. Aujourd'hui, la société européenne elle a trouvé d'autres outils dans lesquels il y a une main-d'œuvre moins chère qui n'est pas du tout rentrée dans un cadre légal, ce qu'on appelle aujourd'hui les sans-papiers, qui vit une situation précaire. Et la précarité, en fait, être un sans-papier déjà, c'est une précarité. Une précarité, et cette précarité, elle peut produire un phénomène, elle peut développer un phénomène, c'est-à-dire on va y aller directement dans la pauvreté, on va y aller directement dans la délinquance, on peut, c'est-à-dire la précarité, elle peut nous ouvrir d'autres voies. Aujourd'hui, on a constaté aussi ce qu'ils ont vraiment des moyens financiers ou bien des entreprises ou dans le domaine, par exemple, la restauration. On a constaté aujourd'hui un immigré qui se retrouve sur le territoire européen. Il est vraiment exploité, si vous voulez. C'est un esclavagisme moderne au 21e siècle. Et puis, il n'y a pas que des hommes qui sont victimes dans cette affaire. Il y a aussi des femmes victimes. Il y a des personnes âgées, il y a des mineurs, des enfants, ils sont exploités. Si je prends juste un exemple de la communauté roumaine, on le constate ici au boulevard, dans les grands boulevards de Bruxelles, au sein de la capitale européenne, on voit une exploitation, un fait. C'est douloureux lorsqu'on voit des enfants en plein hiver, ils suivent des essuie-glaces, ça c'est de l'exploitation. Aussi, il y a des femmes qui travaillent dans le ménage, par exemple, qui sont payées à 5 euros de l'heure. Mais effectivement, il y a une forte demande de l'emploi du moment que les gens ils n'ont pas les ressources. Ils peuvent revendiquer leurs droits parce qu'en fait, ils ne sont pas dans un cadre légal. Donc, tout cela, vraiment, tout le monde, je ne dirais pas le système, il profite directement. Mais il y a quand même ce qui profite indirectement. Payer un ouvrier, par exemple, quelqu'un qui va travailler dans la restauration, payer les charges, le déclarer, ça coûte plus cher. Alors, il suffit juste de prendre quelqu'un qui n'a pas une identité. Alors, pour lui, c'est une chance. C'est un produit en or, voilà. Il n'a rien à payer. Il triche avec l'État en même temps. Il triche avec la conscience. Il exploite, ça c'est sûr. Et tout ça, on l'a vécu en fait. On l'a vécu, donc on l'a vécu d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça. Donc ça existe malheureusement, ce genre de pratique. Au sein de la Belgique ou bien tout ailleurs en France ou partout, ça existe ce genre de phénomène et malheureusement ça se passe toujours jusqu'à en 2007 et il y a ce genre d'exploitation et ouais, mais c'est dommage, voilà. Vous parlez d'économie, en fait quelqu'un dans l'histoire, à un moment donné dans l'histoire, on disait un spectre entre l'Europe, le capitalisme. J'aimerais rajouter quelque chose de similaire. Alors, une délocalisation entre l'Europe, un spectre, par contre, de délocalisation entre l'Europe. Donc, voilà dans quelles conditions, je crois, que les sans-papiers, en ce moment, rentre un peu dans cette logique. Donc, en fait, les politiques qui veulent maintenir le statut, excusez-moi de dire le statut des sans-papiers, parce qu'apparemment, ça commence à devenir un statut, arrange beaucoup plus les pouvoirs financiers. Donc, arrange beaucoup plus pour, faut le dire, sans rente aucune et sans scrupule aucune, les patrons qui cherchent en fait le profit davantage. Donc, ils cherchent la main d'œuvre la moins chère. Donc, à mon avis aussi, c'est suite en fait à une crainte même de l'échec de la délocalisation ailleurs. Que maintenant on invente un nouveau procédé, la délocalisation inverse. Donc pourquoi pas ne pas ramener ces gens-là d'ailleurs ici, parce qu'on peut pas La marchandise aussi, là-bas, je crois qu'elle court aussi un phénomène de surproduction, comme ici en Europe, elle a commencé, parce que là-bas aussi, les pays du Sud, les pauvres, ne peuvent pas acheter toutes les gadgets du capitalisme. C'est des gens pauvres, ils préfèrent vivre dans leur naturel, consommer tout ce qui est naturel. Donc pour eux, tous les produits de nouveauté qu'on appelle souvent gadgets, etc., ça ne les arrange pas. Ils ne peuvent pas s'offrir des choses comme ça. C'est des gens qui peuvent s'offrir, ils cherchent de la soumoule, ils cherchent à s'offrir une bonne bouteille à gaz, ils cherchent à s'offrir du bon sucre, du bon café, etc., etc. Donc à mon sens que même la délocalisation, elle a subi un échec. Et maintenant, on la remplace par le nouveau procédé de la délocalisation inverse. Et à mon avis, autant que sans papier, je crois que la régularisation va tarder à venir. Ce n'est pas pour couper de l'espoir, mais à entendre Guy Verhofstadt, je répète encore, faisant sa politique générale, et aucun souffle, petit souffle d'espérance sur la régularisation des sans-papiers. Et il annonce la couleur, il annonce vraiment la couleur. Alors, encore une autre fois, j'interpelle tous nos amis, que ce soit femmes, jeunes ou tous ceux qui sont sans papier, à venir en masse au 91. Et une telle occupation, elle vaut la peine en ce moment de l'envahir. Et si ce n'est que de cette manière que le gouvernement peut réagir sérieusement à cette affaire. Merci beaucoup. Salam alaikum. Atakum saha. Ou saha l'aznouin. On peut être effectivement pessimiste sur les issues de la politique belge en matière d'octroi des papiers. On peut aussi être pessimiste sur cette politique-là. Mais il me semble que tout dépend maintenant de la façon dont on peut être solidaire et tous groupés autour des gens sans papier pour faire de ce problème-là le problème essentiel. En fait, c'est vraiment un problème qui concerne tout le monde, il me semble, de savoir dans quelles conditions les gens sont accueillis en Europe, parce que ça concerne les valeurs européennes aussi, et ça ne concerne pas seulement les gens qui n'ont pas de papier, quoi. Donc je pense qu'il est encore temps, par rapport à cette directive européenne, de se mobiliser. Et par rapport à cette occupation ici et à la régularisation, je crois qu'il faut effectivement appeler le plus de monde possible à venir ici se regrouper. Et puis il faut peut-être dire aussi qu'en fait, il n'y a pas de problème d'immigration en Europe, hein, puisque l'OCDE pense qu'il faudrait 20 millions d'immigrés d'ici 2030. C'est les chiffres officiels de l'OCDE, qui est en organisation. Alors là, il y a une vision extrêmement capitaliste de la société. Et puis, parallèlement, il y a, je crois, 3% d'immigrés sur le territoire européen, ce qui en fait le continent où il y a le moins d'immigrés au monde, quoi. Hein, donc, l'essentiel des immigrés, ils sont sur les autres continents. Hein, j'ai eu un papier sur l'Afrique du Sud récemment, où il y a 7 à 8 millions d'immigrés en Afrique du Sud, dans des conditions d'exploitation incroyables, mais aussi avec développement d'un racisme extrêmement violent, beaucoup de crimes, et particulièrement contre les immigrés africains francophones. Voilà. Et donc ça, c'est un racisme noir. Donc cette gangrène est partout, quoi. Et il faut bien voir qu'en Europe, on n'a pas, il y a pas beaucoup d'immigrés, il y en a presque pas, en fait. Il y en a presque pas. Et donc, quand on parle de chiffres de gens à régulariser, c'est une goutte d'eau, quoi. Ça pose aucun problème. Ça pose aucun problème, sauf que, voilà, comme il y a des crispations identitaires, il y en a en Belgique, hein, il y a des crispations identitaires, comme vous disiez très bien. On sait plus très bien ce que c'est un Belge, etc. Par contre, on sait ce que c'est un étranger. Là, il faudrait peut-être expliquer, parce que si on sait plus ce que c'est un Belge, on sait plus ce que c'est un étranger non plus. Hein. Faut être logique. Donc on va pas refaire l'identité, on va pas faire l'identité européenne ou belge contre tout ce qui sera étranger, parce que bon, ça c'est des phénomènes qu'on a déjà connus dans l'histoire de l'Europe, et il paraît que la construction européenne c'était pour lutter contre ces phénomènes là justement. Et on est en train d'aller exactement dans la direction opposée. Tout à fait, tantôt vous l'avez bien dit, on peut pas, moi personnellement, on peut pas être optimiste en fait, on est pessimiste avec cette nouvelle directive dans laquelle le nouveau gouvernement, il vient de nous annoncer, il a fourni des bonnes conditions pour l'incarcération, pour le rapatriement des bonnes conditions. En fait, j'ai vu le centre fermé, ils l'ont amélioré d'ailleurs, ils ont fait des couleurs sympas. Mais le fait, ça reste quand même une prison, même si c'est une prison dorée, ça reste c'est une prison fermée. Pour ceux qui sont à l'intérieur, des familles, ceux qui sont à l'intérieur, ça reste quand même dans un cadre fermé. C'est-à-dire le fait qu'ils vont savoir que d'ici quelques minutes, d'ici quelques jours, ils seront rapatriés, c'est pas du tout rose pour eux. Donc, quand même, ils ont fourni des bonnes conditions pour leur rapatriement, c'est-à-dire à la Marseillaise. Et ça, malheureusement, tout ça, c'est le système, en fait, c'est le système du sarkozysme dans lequel que le MR il a vraiment adhéré sans condition. Il est vraiment rallié à la cause du sarkozysme, et je ne sais pas, est-ce que vraiment les valeurs européennes, ils vont vraiment, ça va vraiment dans le bon sens. Est-ce que la politique du 21e siècle européenne, celle de toute façon de 2007-2008, est-ce que vraiment c'est un regard que tous les Belges et citoyens belges honorables qui vont l'accompagner avec notamment avec la politique de Didier Reynders. Et merci à vous de nous avoir quand même donné l'occasion de s'exprimer, et je vous remercie encore une fois. C'est nous qui vous remercions de pouvoir entendre votre parole, et de toute façon c'est votre émission, c'est notre émission, on va dire, donc il faut remercier les auditeurs de l'écouter. En tout cas, vous parlez de politique de centre fermé et de rapatriement. En tout cas, peut-être il y en a des gens qui n'ont pas passé cette réalité, mais moi en 2002 j'étais dans le 12-10-2002 à la première à 127 bis. Vraiment, c'est l'enfer total. Ça, c'est le prison de Saint-Gilles ou bien d'Euphorie, c'est mieux. Les gens là-bas, ils passent des souffrances totales. Même il y en a des gens qui ils ont mort, ils ont enterré là-bas, disparu, des corps disparus et tout. Et j'ai vu qu'il y en a des rapatriements volontaires, il y en a des rapatriements forcés. Pour des fois, il y en a des gens qui ne connaissent pas leur identité ou bien quelque chose. Elles viennent des gardiens, vraiment leurs bras, elles font... Il fait 40 kilos. Elle prend 5 personnes, elle prend une personne directement sur les bras, directement à l'aéroport. Vraiment, c'est un enfer. Il y en a des gens qui ne voulaient pas monter sur l'avion, alors ils vont monter avec une piqûre, une injection. Moi, j'étais là-bas, j'ai vu cette scène-là. Moi, j'étais sportif, j'étais blessé de la jambe. Alors, j'ai resté vraiment, je n'ai jamais consommé les tablettes. Alors, il y en a le médecin, j'allais chez le médecin, j'ai dit, voilà, j'ai des douleurs à mon pied. Elle m'en donne l'inverse. Elle m'en donne des trucs pour le cœur. Alors, je ne sais pas, moi, je pense qu'un pays de droit qui respecte le droit et droit de l'homme et la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et la liberté fondamentale, comme la Belgique, moi, je ne sais pas, elle dit la démocratie, c'est un pays démocrate, la démocratie, mais qu'est-ce que j'ai vu, la démocratie ici, uniquement pour le vote. Alors, il y en a des gens, moi, je connais un Tunisien qui a passé 17 mois avec sa barbe, tu le vois, il est devenu comme un monstre. Alors, il n'y a pas de délai, le délai, c'est eux qui disent le délai. Moi, je ne sais pas, Patrick Doual, là, moi, s'ils m'ont donné, je vais mettre Patrick Doual une journée là-bas. S'ils me coûtent ou bien ils vont me rapatrier maintenant, je suis prêt aussi. Je le mettre une journée là-bas, comme ils mettent les petits-enfants. C'est pas pour moi. Moi, je suis un adulte et je suis avec une femme belge qui, après-demain aussi, elle part en Algérie. Mais je sais pas pourquoi ils font la discrimination avec nous. Nous, on n'est pas des terroristes, on est des artistes, on est des gens qu'on veut vivre. Et avant, on boit avec les Belges, on a des amis belges et tout. Moi, je demande Patrick Doual, ils vont le prendre une journée aussi au centre centres fermés, en place de prendre les petits enfants innocents. Hein. Même des Belges, ils sont dans leur pays comme des gens aussi sans papier. Hein. Et je vous remercie beaucoup. Ah oui ? Non, j'allais juste dire. J'allais juste dire tout à l'heure qu'un demandeur d'asile, le petit château, il est mort dans justement toutes ces conditions dont nous parlons tout à l'heure, obscures. Et c'était quelqu'un, bon, et c'est les centres ouverts, contrairement aux centres fermés. Apparemment, il est mort de médicaments, de doses non prescrites de médicaments. Et voilà le sort des réfugiés politiques. Et c'est le septième en Belgique qui meurt dans des conditions vraiment obscures. Et c'est délabrant. D'ailleurs, je viens de terminer ma deuxième jour de grève de la faim. En sa mémoire et à la dignité de tous les sans-papiers suite à ce qui s'est passé aux événements du centre fermé justement de 127 bis. Apparemment, des sans-papiers ont été matraqués et mis au cachot. Merci beaucoup et au revoir, Inch'Allah, une autre fois. Après tout, si vous voulez, il est vraisemblable que sur le problème des retraites ou sur le problème des universités, un gouvernement socialiste aurait fait la même chose que Nicolas Sarkozy. Donc les socialistes qui sont au gouvernement peuvent légitimement dire « bah nous soutenons une politique qui de toute façon aurait été faite par nos amis ». Si vous permettez quand même, les socialistes pourraient répondre que ce soit sur l'immigration, le test ADN, le paquet fiscal, les franchises médicales, d'accord, un gouvernement socialiste n'aurait pas fait la même chose. D'accord. Et donc l'argument de vos ministres socialistes, c'est un argument d'opportunisme absolu. Aucun ministre socialiste n'aurait favorisé l'immigration et vous avez bien vu que l'évolution de Ségolène Royal là-dessus était malgré tout plus vers une politique de fermeture des frontières. Tous les gouvernements ferment les frontières. Oui, c'est un sujet plus vaste parce que si on regarde ce qui se passe en Grande-Bretagne, où les choses sont de plus en plus sévères, mais aussi en Espagne, en Italie, il y a évidemment un problème qui d'ailleurs renvoie à chaque fois à l'absence de solution européenne, hein, parce qu'on voit pas comment chacun peut se débrouiller de cette situation hors une politique européenne. Mais néanmoins, chacun continue à faire comme si l'Europe n'existait pas dans ce domaine. Fin de la parenthèse. Et oui, fin de la parenthèse, c'était Jean-Marie Colombani, Jean-Claude Casanova et un troisième éditorialiste qui faisait la rumeur du monde, la rumeur de leur monde, samedi 22 décembre sur France Culture. Et dans leur monde, vous l'avez entendu malheureusement, il n'y a pas de politique européenne en matière d'immigration. Eh bien dans le nôtre, oui. Oui, il y a malheureusement une politique européenne en matière d'immigration qui avance à grands pas. C'est par exemple ce projet de directive dont parlait Benoît au cours de cette émission, projet de directive sur la rétention et l'expulsion des personnes étrangères, qui devrait être voté ou non courant janvier 2008 par le Parlement européen. Il est donc encore temps de se mobiliser. Toutes les informations concernant cette directive et une pétition à signer à l'adresse www.directivedelahonte.org. www.directivedelahonte.org. Pour ce qui est de l'occupation du 91 de la rue Royale, où cette émission était enregistrée, une première occasion de rejoindre et soutenir le combat des 60 personnes qui vivent là dans l'attente de leur régularisation, une première occasion de les rejoindre vous est donnée ce samedi 29 décembre, le soir. Il y aura des groupes de musique sud-américains, maghrébins et congolais, il y aura à manger, à palabrer, à partager. Soyons nombreux à nous y retrouver ce samedi soir au 91 rue Royale. A bientôt. Thank you. Radio Pinzani.